Tu me rends tellement fou, fou, tellement fou. Bébé, vas-y, danse, danse, danse pour nous. Tout est tellement fou, tout tellement fou. Vas-y, danse, danse, danse pour nous. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais tellement fou, fou, tellement fou. Bébé, vas-y, danse, danse, danse pour nous. Tout est tellement fou, tout tellement fou. Vas-y, danse, danse, danse pour nous. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est tellement fou, tout tellement fou. Vas-y, danse, danse, danse pour tout. Tu me rends tellement fou, tout tellement fou. Bébé, vas-y, danse, danse, danse pour nous. Mais ton cœur est si doux, tout tellement doux. Bébé, vas-y, danse, danse juste pour nous. Bébé, vas-y, danse. Bébé, vas-y, danse, danse pour nous.